dire on nique la France. On fait notre bise, nous on s'en bat la race, mec. Deux ou trois séjours en zanz, arrive à 30. Piche pas de calif, tu bon carreau, fourgué de la cam. Ouais, roule en merco et vivre à 10 dans un de pièces. C'est pas le top niveau social. Faut garder en tête qu'au tribunal on distribue les mois fermes comme au casino, les gars. Ici pas de 007, pas de casino royal. Casino judiciaire chargé à bloc comme les flingues des forces de l'ordre. Comme Le Pen avant les élections, ils sont partis de merde. Mat, comme je défonce la partition, comme je manie le verbe. Rap sans fiction, toujours autant de pression. Prédateur dans le game, dangereux comme une ligne à haute tension. Avec AR sur le track, tonton zag à la conception. Ont-ils encore un putain de son? Trop vulgaire, trop fat, trop tard pour changer direction. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Dans un putain de mauvais rêve, le slogan c'est marche ou crève. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. C'est la guerre, y'aura pas de trêve, les frères carburent à la haine. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Comme dans un putain de mauvais rêve, le slogan c'est marche ou crève. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. C'est la guerre, y'aura pas de trêve, les frères carburent à la haine. Passionné de films de mafieux, le blé c'est bon quand t'en as. Mais s'il s'agit d'influence, je baisse Tony Montana. Car les petits frères le préfèrent à Martin Luther. Et le bis permet de pas se lever dès le matin 8h. Ok, entre le deal, la violence et les sales coups. Ma mère m'a pas toujours grillé, mais le bon Dieu m'a toujours vu. Quelques sables délovés et des histoires un peu casse-cou. C'est ce qui me vaudra un paquet d'explications le jour J. Ma gueule, le témoin a une belle voix, des bonnes punchlines pour te convaincre que tu peux teaser, fumer du touch, man. On commence à faire du mal à nos mères juste en naissant. Et là, y'aura pas assez de palace pour tout, juste un instant. Avec tout l'argent qu'on a donné à foutre le cœur, imagine ce qu'on leur aurait payé, ça me fout un souffle au cœur. À se demander si des fois on le fait pas exprès. Négro, mais j'essaie d'être un mec bien de la pire espèce. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Dans un putain de mauvais rêve, le slogan c'est marche ou crève. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. C'est la guerre, y'aura pas de trêve, les frères carburent à la haine. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Dans un putain de mauvais rêve, le slogan c'est marche ou crève. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. C'est la guerre, y'aura pas de trêve, les frères carburent à la haine. On se prend la tête pour les centimes, on se plaît à longueur de journée. On fait rien pour s'en sortir en disant que la chance va tourner. Toujours la même chose, le cul vissé sur le même banc en attendant. Tranquillement que ça s'arrange, et fatalement rien ne change. Les petits veulent être riches et reconnus comme si Dan ouais rien que ça. Le soir sur les parkings, ça tease et ça bédave comme si avec ça. À faire c'est la merde, fils, et c'est comme ça. A l'intérieur j'ai de la violence, mais beaucoup plus de gentillesse. Ma gentillesse a ses limites, mais ma violence n'en a pas. J'ai toujours mon savoir, embarquez-moi pour port d'armes. Pourtant, comme la plupart esclaves de mon portable. Ma bête, je suis pas un bâtard, ne me pousse pas à le devenir. Si tu me doubles, je te triple, pas honte de le dire. J'ai du mal à faire confiance aux femmes, moi. Je sais pas, c'est d'un frère négro, d'un beau black ou sale noir. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Dans un putain de mauvais rêve, le slogan c'est marche ou crève. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. C'est la guerre, y'aura pas de trêve, les frères carburent à la haine. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Dans un putain de mauvais rêve, le slogan c'est marche ou crève. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. C'est la guerre, y'aura pas de trêve, les frères carburent à la haine. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Comme dans un putain de mauvais rêve, le slogan c'est marche ou crève. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. C'est la guerre, y'aura pas de trêve, les frères carburent à la haine. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Comme dans un putain de mauvais rêve, le slogan c'est marche ou crève. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. C'est la guerre, y'aura pas de trêve, les frères carburent à la haine. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Comme dans un putain de mauvais rêve, le slogan c'est marche ou crève. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. C'est la guerre, y'aura pas de trêve, les frères carburent à la haine. Pareil qu'ici c'est la merde, on nous a dit ici c'est dead. Comme dans un putain de mauvais rêve, le slogan c'est marche ou crève. Dans les veines, trop d'Heineken, trop de cash, c'est trop de problèmes. C'est la guerre, y'aura pas de trêve, les frères carburent à la haine.